working every day. I have no time for me. I have not a liberty time. I... Oh, Laurence! Yes, what do you want? Shut up! What? Fais un caca! Ah, pardon, on t'envoie moi! Juste avant le week-end, la recrue Casta Schtroumpf partait du camp. Bon, les Schtroumpfs, je pars. J'ai décidé de rentrer chez moi. Ah bon? Tu en as marre, Casta Schtroumpf? Ouais, je sature un peu, je suis fatigué. J'en ai marre de jouer le rôle du lèche-cul en plus. Alors, comme ça, recrue Casta Schtroumpf, vous jouiez un rôle? Sûrement, je suis pas un lèche-cul et en plus, je peux pas vous blairer. Vous êtes un connard doublé d'un puceau incapable de comprendre le monde qui l'entoure. Recrue Casta Schtroumpf, je tiens à vous signaler qu'on ne vous a pas encore signé le chèque. Oh. Attendez-moi là, je reviens tout de suite. Voilà mon commandant, un petit jus de fruits pressés. Rien que pour vous. Vos chaussures sont sales, je vais les lécher. Le soleil est maintenant couché sur le camp. Nos Schtroumpfs vont enfin passer une nuit sans les ronflements de Casta Schtroumpf. Bon, les Schtroumpfs, c'est notre première nuit tranquille, alors je veux pas un bruit. Ok, c'est bon, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Eh hey, mais qui vient lâcher un Schtroumpf? Ah désolé, c'est moi, Mosca Schtroumpf. Mais j'aimerais le digérer le casson Schtroumpf de midi, alors... Quoi? Tu pues des Schtroumpfs? Bon, c'est fini maintenant, silence. Y'en a marre! Tu sais qui ronfle encore, bordel? Désolé, c'est moi Talia Schtroumpf. Mais je ronfle pas, c'est un peu de Schtroumpf. Ok, the episode is finished. It's